monsieur Elf Trick, donc porté haut la main à la manière que l'on connaît. Ensuite, il y a eu Bongo, donc, qui vient aussi d'emporter des élections, semble-t-il. Et nous voyons surtout que les sociétés africaines apprécient de moins en moins cette moquerie qu'on leur fait à leur intelligence. Ne pensez-vous pas franchement que la France est en train de jouer ses dernières cartouches pour des intérêts qui pourraient être autrement plus avantageux si la coopération se faisait en bonne intelligence et dans le respect des souverainetés de ces nations qui malheureusement ne sont pas encore indépendantes? Évidemment. Et là, je dirais, ce n'est pas la France, ce sont les gens qui ont le pouvoir en France. En fait, il y a eu deux drames. La France a vécu deux drames qui rendent très compliquées nos relations avec les gens du sud de la Méditerranée. Et ces deux drames sont la colonisation et la décolonisation. La colonisation, parce que nous, Français, contrairement aux Anglais, n'avons pas colonisé au nom de la grandeur du roi d'Angleterre, mais au nom de valeurs universalistes d'émancipation. Or, nous avons, quand on conquis, quand on, comme je dirais, quand on colonise les gens au nom de leur liberté, c'est toujours très ambigu, surtout quand derrière on ajoute un peu de commerce. Voyez? Donc nous avons ce gros problème en France qui est lié à quelque chose qui fait partie de notre génie, c'est que nous avons inventé avec la Révolution française un universalisme émancipateur, mais que nous avons colonisé au nom de cet universalisme émancipateur. Hein, et ça, c'est toute l'ambiguïté de la gauche française de l'époque de Jules Ferry, qui prétendait, par la force, amener des peuplades qu'on considérait comme inférieures à notre modèle de civilisation, soi-disant supérieur. Hein. On sait aujourd'hui, par le travail de l'ethnologie, par le recul et par l'analyse de ce qu'est aussi le capitalisme d'État, que tout ça était complexe, obscur et un peu malsain. Et malheureusement, nous sommes dans une position, nous Français, bien plus malaisés que celle des Anglais, qui n'ont pas grand-chose à se reprocher parce qu'ils ne vous avaient rien promis. Vous voyez, ils dominaient au nom de la puissance anglaise et du roi d'Angleterre. Et nous, malheureusement, nous avons exporté des idées de libération et d'émancipation, mais par les armes et la domination. Et nous sommes aujourd'hui, nous payons ce double langage, cette ambiguïté, mais pour autant, il y a quand même quelque chose dans l'universalisme français dont nous devons être fiers, car je crois que sans l'universalisme français, sans Jean-Jacques Rousseau, il n'y aurait peut-être pas eu le FLN. Donc c'est très ambigu tout ça. Et si on continue, donc premier drame, c'est cette ambiguïté de la colonisation française qui prétend à servir les peuples pour les libérer, ou vice-versa, donc cette ambiguïté constitutive de la, comment dirais-je, du colonialisme français. Et deuxièmement, il y a eu un deuxième mensonge et une deuxième ambiguïté, qui est la décolonisation. On a fait croire en réalité que les peuples devenaient souverains, alors qu'en réalité, la décolonisation, c'est la continuation de l'exploitation économique sans les écoles et sans les routes, qui étaient en réalité le don que devait faire l'universalisme français qui se sentait supérieur et tout-puissant. Et en réalité, la décolonisation est un deuxième mensonge, c'est l'exploitation sans le don matériel de l'universalisme français. Alors certains y ont trouvé leur compte, parce que ce n'était plus de l'ethnocentrisme et de l'ethnodomination, mais en réalité, on est passé d'un mensonge à un autre mensonge. Et cette situation est tellement complexe, et tellement laide, et tellement sale, qu'effectivement, c'est totalement inextricable. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le problème se résoudra par l'évolution de géopolitique, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de sa domination. Et donc, de toute façon, on voit bien qu'en Afrique, les Américains nous ont chassés d'Afrique une fois que les Russes ne pouvaient plus comment dirais-je, être un contrepoids pour eux, puisque nous étions en Afrique encore il y a 20 ans, à cause de l'idéologie du ni-ni, c'est-à-dire que ni les Américains ni les Russes ne voulant se battre en Afrique, ils avaient accepté l'un et l'autre que nous y soyons encore. Depuis que les Russes se sont écroulés, les Américains nous ont chassés, ont été d'Afrique et du monde arabe, et ils sont en train d'en être chassés par les Chinois, qui ont des moyens d'investissement et qui n'ont pas de passif colonial. Et donc aujourd'hui, finalement, toutes ces immoralités, ces ambiguïtés de la colonisation française, où Jaurès se mêlait au commerce et aux fusils, et où finalement la décolonisation s'appelle Elf et Total, va être finalement réglée non pas par des grandes phrases ou de l'idéologie, mais simplement par le fait que la puissance aujourd'hui se déplace vers l'Eurasie, et qu'aujourd'hui ceux qui ont les moyens de dealer avec l'Afrique et de leur proposer quelque chose, c'est plutôt les Chinois, et que nous, notre avenir en Afrique de puissance dominatrice et commerçante est en train de disparaître, et que peut-être d'ailleurs, une fois qu'elle aura disparu, nous pourrions renouer sur le plan culturel, parce que je crois, moi, que sur le plan culturel, il y a quelque chose qui s'appelle l'espace francophone, où nous avons beaucoup en commun et beaucoup échangé au nom de la francophonie et au nom de l'histoire de la Mare Nostrum, c'est-à-dire de la Méditerranée. Mais effectivement, il faudrait pour ça que nous débarrassions de toutes ces histoires ambiguës, mensongères et commerçantes. Et je vous ferai d'ailleurs remarquer que l'immense majorité du peuple de France n'y est pour rien. Hein. Elf, ce n'est pas la France. Et la colonisation du XIXe siècle, ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Donc moi, je suis bien tout à fait d'accord pour faire un bilan très critique de toute l'histoire coloniale et de toute l'histoire post-coloniale, mais je dis qu'il ne faut pas que ce soit un argument politicien de certains États du Sud, dans des luttes, etc. Et si j'admets toutes ces critiques, je m'inscris totalement en faux par rapport à la stratégie des indigènes de la République, qui consiste à maintenir, finalement, au nom de la colonisation, de la haine entre les Français de souche et les Français d'origine maghrébine, qui sont des Français à part entière, et dont le problème aujourd'hui est de réussir leur vie en France, et non pas de reprocher à des Français qui n'y sont pour rien, car ils sont nés dans les années 60 et ils vivent en France, souvent dans la difficulté, un passé colonial que nous devons tous dépasser, c'est-à-dire dépasser sur le plan politique et politicien, pour en faire un sujet intéressant de critique historique. Voilà. Donc moi, j'admets toutes les critiques du colonialisme français, mais je n'aime pas qu'on s'est manipulé pour créer des haines communautaires en France. Et c'est en ça que je m'oppose à la fois, bizarrement, à l'extrême gauche qu'incarne, à mon avis, les indigènes de la République, et à une extrême droite sioniste qui poursuivent étrangement le même but, qui est de maintenir la haine entre les Français de souche, qui ne sont pour rien dans la colonisation, dans leur immense majorité, hein, et les Français récents, originaires du Maghreb, dont l'avenir est en France, et l'avenir ne surtout pas de ressasser un passé colonial ou post-colonial, alors que finalement ce n'est plus vraiment leur problème, et de ressasser ce problème est le meilleur moyen de rater leur intégration. Et c'est pour ça que notre association s'appelle Égalité et Réconciliation, et s'appelle Pour une Réconciliation Nationale, car nous pensons que c'est le piège majeur à éviter aujourd'hui, qui est de maintenir, quelque part, de prolonger la guerre d'Algérie, vous voyez. Et il y a des gens qui y ont intérêt, et ces gens sont les sionistes, qui n'ont pas intérêt à ce que les musulmans se réconcilient avec les Français catholiques, et aussi certains gauchistes qui ont une haine rabide de la nation, et qui sont d'ailleurs souvent instrumentalisés et financés par le grand capital, qui poursuit les mêmes buts que les sionistes. Et ça, il suffit de lire la révolution bolchévique, par exemple, analysée par Solzhenitsyn dans Deux siècles ensemble, pour comprendre de quoi je parle, et simplement, en France, s'intéresser au financement de l'extrême-gauche française, notamment de la LCR ou du NPA, pour comprendre ces stratégies triangulaires très perverses et les pièges dans lesquels nous ne devons tomber ni les uns ni les autres, c'est-à-dire ni les Français de souche nationaliste comme moi, qui ne doivent pas diaboliser les musulmans et empêcher, par une diabolisation idiote, l'intégration des Français musulmans, car il faut que cette intégration réussisse pour que la France soit belle, grande et forte. Et de l'autre côté, il faut que les Français de confession musulmane issus de notre ancien empire colonial comprennent que la haine du Français de souche pour un colonialisme mythifié aussi et dont les Français actuels ne sont pas responsables, est la pire chose qui peut leur arriver pour empêcher leur intégration en France et cette réconciliation qui est nécessaire. Et l'exemple que je cite toujours est l'exemple des sino-vietnamiens. Les sino-vietnamiens en France ont un passé colonial exactement identique à celui du Maghreb. Ils ne jouent jamais la carte de la repentance, de l'insulte et des réparations. Contrairement à Ouria Boutelja, ils ne commémorent pas la défaite de Dien Bien Phu à la Goutte d'Or. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de problème de racisme anti-vietnamien en France, aucune haine envers les sino-vietnamiens, et que leur intégration économique se fait en douceur et de façon très efficace, alors qu'on traite encore d'immigrés aujourd'hui des Français originaires du Maghreb de la quatrième génération, qui prouve qu'il y a un échec. Et cet échec, à mon avis, est lié à une manipulation, une instrumentalisation permanente qui a pour but, pour des raisons obscures et explicables, de systématiquement maintenir une haine entre les Français de souche et les Français d'origine maghrébine à cause de ce sujet ressassé en permanence de la colonisation qu'il nous faudra dépasser et intégrer comme catégorie de discussion critique et historique, et plus comme catégorie de manipulation politicienne et de création de haine artificielle. J'espère que j'ai été bien clair, car c'est le sujet le plus difficile que nous aurons abordé ce soir, vous et moi. Certainement.